Mon époque, ma radio. Bonsoir à tous et bienvenue dans Point G comme Julia. Alors Julia, c'est moi, Point G, c'est vous. Bah oui, c'est vous tous, mais elle vous le dira beaucoup mieux que moi, écoutez. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Point G. Point G. Comme Julia, sur le Move. D'amour. Une demi-heure tous les jours pour parler d'amour et de sexualité, c'est votre nouveau rendez-vous sur le Move. Vos questions, vos réflexions, vos prises de position et plein d'autres choses en sion nous intéressent. Alors n'hésitez pas à nous laisser des messages comme cela, par exemple. Une petite chanson d'amour. Nous avons seulement dit au revoir avec des mots. Je suis mort une centaine de fois. Mais il va falloir se lancer, ce qui n'est pas évident parce que dans les grandes villes, dans les grands environnements urbains, eh ben, on arrive, on veut juste sympathiser au départ, hein, dire bonjour, comment ça va, je te paye un verre, mais tout de suite on passe pour la vieille incruste, le mec qui n'a pas d'amis, ce qui est en même temps un petit peu vrai. Non, dégage, tu me saoules. C'est la dure loi de la sélection naturelle. Vous revenez à lui et je retourne à noir, noir, noir, noir. Bonjour, je suis quelqu'un qui cherche l'amour désespérément et malheureusement, vu que ça marche pas, je voudrais me confier à d'autres personnes et je voudrais savoir leur méthode et avoir des conseils de votre part. Nous avons seulement dit au revoir avec des mots. Je suis mort une centaine de fois. Vous revenez à lui et je retourne à noir, noir, noir. Alors docteur, un conseil, une méthode infaillible pour rencontrer l'homme ou la femme de sa vie? Bah, c'est ça le problème, on cherche une méthode ou quelqu'un? Et en général quand on cherche une méthode, bah, on rencontre personne. C'est raté, hein. Non, faut pas chercher ça en fait. Et c'est ça la difficulté, il faut accueillir, faut être réceptif, faut vivre. Et en général ça nous tombe dessus. Alors, donc, il n'y a pas de recette miracle, sachez-le, Point G, c'est l'émission garantie sans aucune recette miracle, parce que tout simplement, comme le Père Noël, ça n'existe pas, et c'est donc avec vous, Sophie Cadalen, qu'on va le comprendre aujourd'hui. Vous êtes psychanalyste, spécialiste du couple, et vous allez sacrifier au petit rituel de cette émission. Une phrase d'ouverture, votre définition du couple? Bah, le couple, c'est 1 plus 1, mais 1 plus 1 qui ne font pas qu'un. C'est 1 plus 1 qui font une troisième entité, je dirais, comme un troisième lieu psychique où on va inventer sa façon de parler, ses rituels, ses petits trucs à nous, notre organisation, nos envies, notre vie. Voilà, c'est pas une fusion l'un dans l'autre, c'est quelque chose qu'on va fabriquer avec l'autre et avec lequel on va cheminer. Moi, l'idée me plaît bien. J'aime bien aussi, dans un couple, l'un au moins doit être fidèle, de préférence l'autre. C'est de Marcel Achard et évidemment, c'est raccord couleur avec l'émission de ce soir. Ben oui, parce que aujourd'hui, on va parler adultère, tromperie, coucherie extra-conjugale. Berk. N'hésitez pas à intervenir en direct pendant l'émission, soit sur notre page Facebook, Point G comme Julia, ou notre compte Twitter, Point Julia. Et puis évidemment, en dehors du direct, tous vos messages, toutes vos questions sur l'amour et la sexualité, soit sur notre boîte mail, pointg@radiofrance.com, et notre répondeur, bien sûr, dont je vous donne tout de suite le numéro. Alors à vos stylos, 01 56 40 54 54, 01 56 40 54 54. Voilà, vous savez tout, ou presque. Mais d'abord, actualité oblige, on va revenir sur la dernière décision du Comité national d'éthique en matière de sexualité. Ça s'est tombé cet après-midi, en fin d'après-midi. Les assistants sexuels ne seront pas autorisés en France. Les associations n'ont pas tardé à réagir et parmi elles, l'association CHOSE, qui milite pour une vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Avec nous en ligne, Pascale Ribes, sa présidente. Bonsoir. Bonsoir. Statu quo, donc, pour la France sur ce sujet-là. On reste comme on est, pas d'assistance sexuelle pour les personnes handicapées. Vous en pensez quoi? Du mal, j'imagine? Non, du mal, ce serait quand même beaucoup dire. Mais d'abord, ce n'est pas une fin de non-recevoir en soi. C'est un simple avis du Conseil national d'éthique. Il faut quand même le replacer dans son contexte. Ça n'est pas la fin, en tout cas, de notre combat, certainement pas. Mais ça ne va pas l'aider, en tout cas. C'est clair que ça ne l'aide pas, on va dire beaucoup. En même temps, on peut se demander pourquoi il sort maintenant, parce que c'est quand même un avis qui datait du mois de septembre 2012. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'ils ont attendu aussi longtemps pour le rendre public? Est-ce que c'est parce que le débat fait un petit peu rage en ce moment avec effectivement le film The Session, hein, mm-hmm. qui montre bien là pour oui, le. On en a beaucoup parlé dans la presse toute la semaine. Voilà. Bon. Alors, je vais pas parler de The Session, mais The Session, c'était juste pour dire qu'on est vraiment dans le concret et dans ce que c'est que la réalité de vie de personnes qui ne peuvent pas du tout accéder à leur propre corps, qui sont prisonnières de leur propre corps. Et ça, je veux dire, c'est incontournable et indéniable de voir que certaines personnes ne peuvent pas du tout, sans aide, avoir accès à leur sexualité. Bon, après, la vie en lui-même, bon, pour alors, moi, je le trouve, oui. Vous vous dites, toute personne a droit à une sexualité. Le Comité national d'éthique relève, lui, que les personnes handicapées étant vulnérables, la présence d'assistants sexuels pourrait ouvrir la voie à certaines dérives. Vous en pensez quoi ? Oui, alors ça, c'est juste proprement scandaleux, parce que justement, on nous renvoie notre vulnérabilité supposée, quoi. Déjà, ça veut dire qu'on ne considère pas à égalité, à part entière, par rapport aux autres. Vous savez, souvent, enfin, on le dit, mais c'est tout à fait vrai, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pourquoi est-ce que les personnes en situation de handicap devraient être sont moins à même que les autres de faire face aux difficultés de la vie quotidienne? Il faut les protéger à tout prix, y compris contre eux-mêmes. Ça, déjà, c'est grave en soi de poser ce postulat. Les personnes en situation de handicap, c'est des personnes en part entière qui ont leur mot à dire. Leur prise de décision sont des décisions que les gens doivent respecter. On ne doit pas leur opposer leur vulnérabilité supposée, quoi. Enfin, là, je crois que c'est juste absolument insoutenable, quoi, tellement c'est moralisateur, quoi, et Sophie, partial, quoi. Sophie Cadalen, je vous voyais écouter avec beaucoup d'attention. Vous en pensez quoi, spécifiquement, de cette question-là, de ce débat-là? Déjà, d'une manière assez générale, la sexualité a toujours un petit côté dérangeant, c'est-à-dire que voilà, ça raconte des pulsions qu'on ne contrôle pas toujours, des désirs qu'on ne comprend pas non plus, une maîtrise qu'on n'a pas toujours de notre corps, de ce fameux désir. Donc on veut la cantonner à quelque chose de très lisse, de très joli, de très jeune, de très frais, j'ai envie de dire. De même qu'on a du mal à admettre une sexualité aux personnes âgées, par exemple. On veut que ce soit très normé, parce que ce qui se passe justement à l'intérieur de cette norme n'est tellement pas normal, justement. Que voilà, on voudrait juste ramener ça à quelque chose de... Pour se rassurer, on met des cadres, quoi. Voilà, c'est-à-dire on met des cadres. Ceux-là peuvent, ceux-là ne peuvent pas. Ceux-là ils pensent, ceux-là, ils n'ont pas le temps d'y penser. D'accord. C'est surtout ça. C'est-à-dire que ça nous dérange dans l'idée que, quelle que soit effectivement notre condition physique, d'éventuels handicaps ou maladies, on pense aussi à ça. Ah bah mince. Tout le monde y pense donc, et c'est très dérangeant quelque part. On aimerait ramener ça. D'ailleurs, il y a qu'à voir en général dans l'imagerie sexuelle, c'est toujours des corps jeunes, beaux, rassurants. Bien sûr. Mais se dire que voilà, c'est au-delà du physique, au-delà même du potentiel physique, l'envie, elle s'impose malgré tout. Ah oui, ça dérange quand même beaucoup de choses. Pascal Ribes, je vous remercie beaucoup d'être intervenu en direct sur le MOVE Sexualité Handicap. On en reparlera bien sûr dans Point G comme Julia, car comme vous l'avez dit, le débat est très très loin d'être clos. Merci Pascal. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ne le cherchez plus. Point G. On l'a trouvé. C'est tous les jours sur le MOVE à 19h30. Bien. Et maintenant, écoutez-moi ça. Alors imaginez. Nous sommes dans un restaurant, la femme mange ce qui semble être une crème caramel, gourmande, sexy en diable comme il se doit. Elle dévore surtout l'homme assis en face d'elle des yeux. Et à l'écran, on voit quoi ? On voit écrit « Cette femme a un mari, mais ça n'est pas lui. La vie est courte, tentez donc l'aventure. » Voilà, c'était l'une des toutes dernières campagnes d'Ashley Madison, le poids lourd des sites internet de rencontres adultères. Le site a débarqué en France cette année à grand renfort de publicité. Vous les avez vues, j'imagine, oui, Sophie, oui, vous avez entendu parler. J'en ai vu quelques-unes, oui. Et alors, ça vous a inspiré ? Ce qui me fascine, c'est que je trouve que les arguments publicitaires vont à l'encontre de ce qui fait le sel, justement, de l'infidélité de l'adultère. C'est-à-dire qu'on nous promet du pratique, du prêt-à-porter, on a presque envie de dire. Voilà, on nous dit que ça fait du bien, on nous dit que tout ça, finalement, est très, très, très, très normal, on va encore utiliser ce terme qui fait un peu gros mot, mais bon, allons-y. Or, voilà, ça nie complètement le côté la recherche, la surprise, l'interdit, la transgression, le débat coupable qui rend la chose encore meilleure. Enfin, il y a côté non, si vous voulez être normal, faites-le. Alors que justement, on le fait parce qu'on a tellement tenté d'être normal qu'on est bien content de ne pas l'être tant que ça. Mais c'est-à-dire, ce que vous dites, c'est que finalement, le message qui passe, c'est qu'aujourd'hui, pour être normal, pour être dans la tendance, il faut tromper. Oui, quasiment. Moi, je les trouve désespérément moraux dans leur message. Alors que justement, c'est ça qui fait que l'adultère, encore une fois, de beau jour devant soi, c'est que c'est pas du tout moral, c'est pas convenable, c'est pas bien. Donc on y va. et tous ces messages disent non, mais ça fait du bien pour le couple. Et puis alors, celui que j'avais trouvé quand même sublime, c'est peut-être que vous rencontrerez votre mari. Alors si on déroule un peu le fil de la possibilité, à mon avis, c'est quand même un sacré bin, c'est la clé. Alors il y a Ashley Madison, il y a aussi le fameux Glidden qui revendique plus d'un million d'adhérents avec une croissance annuelle de 150% par an. Puis il y en a d'autres, il y a le prendunamant.com ou rencontreadultère.com et j'en passe. Et puis il y a les applications pour smartphone qui vous offrent des alibis en cas de tromperie, ça c'est pas mal aussi. Puis des hôtels pour 5 à 7 ultra chic, ultra glamour qui ont ouvert leurs portes cette année. Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis pas sûre que ces propositions trouvent tant que ça quelque part d'adeptes ou d'adhérents, je sais pas comment dire. On peut imaginer que oui quand même, parce qu'ils ont commencé à faire leur apparition il y a 2-3 ans, et là il y en a de plus en plus, qui en tout cas... Dans ce qu'ils affichent, dans ce qu'ils revendiquent, ont une fréquentation de plus en plus élevée. Oui, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient réellement utilisés là où ils prétendent justement offrir des services. Par exemple, cette histoire d'hôtel qui est fourni, mais quelque part, ça ruine tout ce qui fait justement aussi le fil, le tricotage, le sel d'une liaison illégitime. C'est où est-ce qu'on va se voir? Quand est-ce qu'on va se voir? Comment on se contacte? Comment on fait pour ne pas être attrapé? Comment... Et là, il y a quelque chose, quelque part, qui nie tout cela, qui aplatit toutes ces difficultés. Et justement, c'est leur argument. Vous n'aurez plus ces difficultés, on va s'occuper de tout. Mais là, on est... vous fournit tout en kit, même l'alibi, donc... Voilà, mais on est plus près du contrat tarifaire. Enfin, voilà, on va se rencontrer pour la chose, point barre. Alors qu'en général, justement, dans la liaison illégitime, c'est autre chose qui se passe. Alors, l'un des leviers sur lesquels jouent les campagnes de ces sites de rencontres adultères, c'est de rappeler que le couple s'essouffle dans la durée. Les chiffres sont là, quand même, un couple sur deux qui termine en divorce, un couple sur deux qui connaît des baisses, voire des arrêts complets de désir et de sexualité. Est-ce que tromper, ça peut avoir le mérite ou la vertu de rebooster un couple? Alors ça peut, oui. Mais surtout pas si c'est fait pour ça. Ça peut, mais de manière totalement imprévisible, de manière totalement, comment dire... Pas parce qu'on l'a voulu. Impossible à programmer. Si on le fait pour ça, vous pouvez être sûr que ça ne marchera pas du tout. Non, ça c'est un argument foireux. Oui, il y a des tas de couples qui, effectivement, vont au bord de la rupture. Et qu'est-ce qui nous amène au plus proche de nos ruptures? En général, c'est la tierce personne qui s'invite dans notre couple. Et qui, justement, ayant frôlé quelque part le moment où peut-être tout va se terminer... Là, tout d'un coup, réagissent ou réalisent que non, c'est peut-être pas une tromperie ailleurs, mais une envie de bousculer l'autre, donc de le blesser. C'est a posteriori, une fois qu'il y a eu tromperie, le fait de réfléchir, de parler de ça, de comprendre ce qui s'est passé, qu'éventuellement, le couple peut connaître une seconde vie. Oui, quelquefois, on va voir ailleurs pour tout simplement réaliser, et ce n'est pas si simple, tout simplement réaliser que mais on n'a aucune envie d'aller voir ailleurs, que c'est de là où on était, qu'on était bien, même si ce n'est pas facile, même si on a douté, c'est là qu'on a envie de retourner. Alors, je vous propose d'écouter une auditrice qui nous a laissé un message sur le répondeur du Move. Bonjour le point G. Alors voilà, j'ai déjà trompé mon copain, et mon copain m'a déjà trompé, parce qu'on avait une sorte de relation non exclusive, mais elle nous rendait en fait encore plus amoureux, parce que le fait de savoir qu'il y en avait d'autres nous amenait chacun à essayer d'être le meilleur quand on était ensemble. Donc la passion était encore plus forte et intense. Aujourd'hui, c'est fini, mais c'était pas à cause de notre non-fidélité, mais plutôt parce qu'on a rencontré des gens avec qui on avait vraiment envie d'essayer la fidélité. Alors, elle dit deux choses quand même très importantes. Ce qu'on vient d'entendre là, on s'est séparés, on a eu envie d'essayer vraiment la fidélité, Et puis, il y a cette idée que ça rendait tout plus intense, le fait de devoir être le meilleur pour l'autre. Oui, mais là, ce qu'elle dit, et c'est très précieux ce témoignage, elle dit que c'était leur relation à eux. Mmh. On peut absolument pas l'appliquer comme une recette qui marcherait pour tout le monde. On sait bien qu'il y a des tas de gens, la plupart, ça les rend dingues de se dire que l'autre peut aller voir ailleurs, qui n'ont aucune envie non plus d'aller raconter ou laisser entrevoir que peut-être il se passe des choses de leur côté. Non, c'est un jeu très dangereux, sauf à être consentant l'un et l'autre, et c'est là que c'est beaucoup plus rare. C'est-à-dire, on a une grande mode à un moment donné du couple libre, c'était le grand terme. Mais en général, dans ce courant du couple libre, il y avait un qui était libre dans le couple, et l'autre qui subissait la liberté de ce un-là, et en général, ça finissait très mal. D'ailleurs, elle le dit, c'était leur fonctionnement de couple. Bon, voilà, ça a fonctionné comme ça, mais et avec d'autres, ça marche pas. Voilà. Ce couple suivant d'aujourd'hui, c'est pas celui-là. Alors, vous parliez de la mode du couple libre, effectivement, c'est passé de mode si on en croit non pas les études publiées par les sites, parce qu'on rappelle quand même que ces sites font des études sur leurs adhérents, donc ils sont déjà intéressés par l'infidélité et les petits écarts, les petites sorties de route comme ça. Si on s'en réfère aux études qui sont menées par les sociologues sur le terrain des études de beaucoup plus longue haleine, les chiffres disent pas du tout ça. Ils disent que par exemple la dernière étude, l'étude CSF, 1,7% des femmes et 3,6% des hommes vivant en couple déclaraient un autre partenaire sexuel que leur conjoint au cours des 12 derniers mois. C'est déjà pas beaucoup. Mmh. Et c'est surtout beaucoup moins qu'il y a 20 ans. Donc en fait, on est, contrairement à ce que nous font croire ces sites, on est au contraire sur un retour à la fidélité comme une valeur sacrée. Je ne sais pas si c'est vraiment un retour. En tout cas, c'est davantage réclamé quelque part. Après, effectivement, un mouvement de libération et de libertinage même, en tout cas au sein du couple, mais qui était nécessaire après le couple carcan où la femme était verrouillée, où elle-même n'avait pas trop de sexualité, enfin censément, pas de désir. Oui, il y avait un moment donné, il fallait que tout pète quelque part, que tous les carcans explosent. Pour aujourd'hui, me semble-t-il, et c'est sans doute l'intérêt de notre époque, maintenant que beaucoup d'interdits ont sauté, on se demande qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment. Et je trouve notamment les jeunes générations très vertueuses. Enfin, elles ont envie que c'est pour la vie, et on peut même pas regarder une autre. Quelquefois même, c'est très exagéré et beaucoup déjà plus dangereux. Embrasser, c'est tromper. Enfin, ça commence très loin. Alors, j'ai été très surprise de voir ça tout à l'heure. On a posé la question sur la page Facebook de Point G comme Julia. Qu'est-ce que vous pensez de l'infidélité? Alors là, on a eu un déluge de commentaires qui étaient unanimes sur le fait que l'infidélité, c'est mal. Point barre. On a Lola qui nous dit par exemple, c'est un manque de respect envers l'autre et soi-même aussi. Il faut être en accord avec soi pour être bien. Tromper, c'est la solution de facilité pour montrer sa domination sur l'autre. Par manque de confiance en soi, bien souvent, et c'est très dommage. Et puis, on a le même son de cloche du côté du répondeur du Move. On va écouter. Oui, bonjour, j'appelle pour l'émission Point G comme Julia. Alors, la tromperie, c'est bien, c'est mal, c'est dans l'air du temps. Alors, c'est bien, non. C'est pas chic du tout. Oui, c'est mal. Et puis alors, dans l'air du temps, on a quand même trouvé mieux pour être tendance aujourd'hui. Donc, je suis contre la tromperie. C'est mal. Salut le Move, c'est pour l'émission Point G. Donc moi, je trouve que tromper, c'est quelque chose de mal parce qu'on trahit complètement la confiance que l'autre nous avait accordée, même si on ne lui révèle pas. Et je pense que les personnes qui trompent, c'est qu'elles ont un problème dans leur couple et qu'elles ne sont pas vraiment heureuses ni amoureuses. Voilà, bisous le Move. Donc on reste sur une vision très moralisatrice des choses. Et plus encore, vous le disiez, pour les jeunes générations qui sont beaucoup plus « vertueuses » entre guillemets que les plus anciennes. Oui, et puis qui ont envie que ça marche, quoi, qui ont envie que leur couple y dure, et qui ont envie de faire mieux que leurs parents dont les couples n'ont pas toujours et souvent duré. Ouais. Enfin là, il y a un côté, nous on va y arriver, mais c'est dangereux ces objectifs-là. Je dirais à ces témoins-là, touchant l'un et l'autre, moi je dirais pas l'infidélité c'est mal, je dirais souvent ça fait du mal. Maintenant, voilà... L'humain, il est compliqué avec lui-même. Alors, dans le rapport à l'autre, c'est pas simple non plus. Il y a quelque part des ratés qui nous font du bien, au bout du compte, qui nous grandissent. Alors, je dis pas du tout qu'il faut tromper. Mais voilà, c'est difficile d'être vertueux. C'est difficile d'être dans sa droite ligne. Et je crois que le couple, justement, je parlais de sa définition tout à l'heure, voilà, ils cheminent ensemble. Et des fois, ils cheminent en se plantant, en allant faire un tour à côté. je me méfie de l'infidélité vantée, celle qui nous dit que non, non, c'est indispensable, c'est incontournable, ça fait du bien, on ne peut pas tenir sans, c'est pas possible d'être tout le temps avec la même personne toute sa vie, si c'est possible. Et on a tous envie quelque part de cela. Maintenant, le chemin pour y arriver, il n'est pas si simple. Mais c'est ce qu'on disait en début d'émission, de même qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de dogme absolu non plus, il n'y a pas de l'infidélité, c'est bien ou c'est mal, c'est du cas par cas, c'est du coup par coup. Ne bougez pas, on revient. Mon époque, le Move, ma radio. Hello, c'est Franco, salut, c'est Sonic, bienvenue dans Franco Sonic. C'est toi que j'aime, c'est quoi que t'aimes. Franco Sonic, le meilleur de la production musicale française. Chaque après-midi, François Saltiel vous livre sa sélection des meilleurs titres en français dans le texte. Franco-Sonic sur le Move. Facile, j'ai le cœur plastique. Le Move. Allons-y. Voilà ce que je dis. Ce week-end, vous avez rendez-vous avec Jackie Berroyer. Débrouillez-vous, écoutez-le chez vous, allez le chercher, on le trouve partout. Akhenaton, Laurent Garnier, Olivier Cachin. Voilà, c'est un morceau assez explicite. Ça n'est jamais passé sur la BBC à l'époque. En fait, c'est jamais passé nulle part, à part bien sûr sur la collection privée. Nick Fury et Hightech de la caution, Moustique. Que dire de plus ? Eh bien que moi je suis heureux comme un lapin d'être avec vous. Et ça sera comme ça, j'espère, encore longtemps. De midi à minuit, ils passent leur week-end avec vous sur le Move. À Montpellier, 102.7. À Brest, sur 94. Et en Mongolie, lemove.fr. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau. Voilà, comme une pierre que l'on jette, comme une bouteille à la mer, comme un message sur le répondeur de Point G, comme Julia. Alors, si vous avez quelque chose contre Michel Legrand, ne m'en veuillez pas, ne m'abreuvez pas d'insultes, j'ai juste voulu faire plaisir au technicien Geoffrey. S'il vous plaît, tapez-le lui, pas moi, merci. Point G sur le Move, c'est l'émission qui vous donne la parole sur l'amour et la sexualité. Alors, soit sur notre répondeur en faisant le 01 56 40 54 54 ou bien sur notre page Facebook Point G comme Julia, notre compte Twitter @.julia. Nous avons même un mail, .g@radiofrance.com. Laissez-nous vos messages ou vos questions sur l'amour ou la sexualité en général, ou bien sur les sujets du jour. Alors pour les connaître, jetez un œil sur la page de Point G sur le move.fr. Point G, l'émission qui appuie là où ça fait du bien, du lundi au jeudi sur le Move à 19h30. Nous sommes toujours avec Sophie Cadalen pour parler du couple, de la fidélité, de l'infidélité. Nous avons un message de Mathieu sur Facebook qui nous dit « C'est mal, bien sûr, c'est pas correct, ni pour soi, ni même pour l'autre. C'est aussi sans doute un mauvais phénomène de mode. Faire semblant qu'on n'est pas attaché, pas fidèle, comme si pour être in, être actuel, il faudrait être le méchant garçon qui se tape n'importe qui. » Alors Sophie Cadalen, c'est tendance d'être méchant ? Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a tant que ça d'envie de tromper. Bon, et puis on trompe quand même malgré tout, hélas. Mais je crois qu'il faut vraiment faire le distinguo entre les messages qui sont envoyés. Vous parlez de tous ces sites là qui quelque part nous feraient croire que si on ne pense pas qu'à ça, tromper, il y a quelque chose qui tente pas rond chez nous, ou que notre couple est en danger, encore pire. Non, faut vraiment. Je crois distinguer le message et puis la réalité. De même qu'on a souvent qualifié les jeunes de désabusés, de sans sentiments, de ils se foutent du couple, ils tiennent plus à rien. Mais c'est pas vrai quand on les écoute. Voilà, on parlait de leur côté vertueux, leur envie que ça dure et que ce soit un seul et pour toujours et à jamais. Voilà. Encore une fois, attention au slogan. Ce côté désinvolte dont vous parlez, c'est justement le sentiment qu'a Alizée ce soir. Alizée qu'on a au bout du fil. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vouliez pousser un coup de gueule, si j'ai bien compris votre mail, sur les hommes d'aujourd'hui. Alors, allez-y, c'est le moment. Je lis alors. Allez-y. Alors, bonjour. En lisant le pitch, je me suis dit que ce serait génial si l'émission répondait à la grande question que se posent toutes les femmes de mon âge, j'ai 20 ans, et sans doute plein d'autres. C'est quoi ce nouveau délire de New Relations, je le dis en anglais. Allez-y, voilà, vous avez un accent divin. sur le modèle de « Je me mouille pas » entre le plan cul et l'amourette de collégien. Je vous explique. Alors, je vous arrête tout de suite, Alizée, parce que j'ai lu votre mail. Il est très drôle, on le mettra sur la page Facebook. Je l'aime beaucoup. Simplement, on va demander à Sophie de vous répondre déjà sur ce point. Est-ce qu'il y a, chez les jeunes d'aujourd'hui, à 20 ans, comme Alizée le disait, ce côté « new relation » Alizée, vous m'arrêtez si je me gourre, mais j'ai l'impression que ce que vous dites, c'est une espèce d'entre-deux un peu flou entre, pardon pour la grossièreté, mais entre le coup d'un soir et l'homme de sa vie. C'est ça, exactement, c'est ça. Et j'ai l'impression que c'est un nouveau type de relation, pas expliqué vraiment à son entourage. C'est ça là, le problème. On vous a mal entendu, Alizée. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? C'est un nouveau type de relation qu'on ne peut pas présenter vraiment à son entourage. On ne peut pas vraiment expliquer quelle est la personne pour... Parce qu'on ne sait pas mettre de nom dessus, c'est ça. On ne sait pas si on doit dire c'est mon copain ou c'est mon amant ou c'est mon futur mari. C'est ça. Oui, Alizée, moi, il me semble pas que ce soit à inscrire comme une tendance ou une nouvelle mode. Moi, il me semble que ce flou dont vous parlez, c'est le flou de ces garçons à ce moment-là de leur vie. Alors, qui peut-être veulent la jouer bravage devant leurs potes. Non, moi, je m'en fiche, je m'engage pas. Voilà, c'est juste pour, voilà, comme ça. Et puis, qui, en fait, sont beaucoup plus romantiques qu'ils ne se l'avouent eux-mêmes. Donc, ça fait des garçons souvent très tiraillés. Donc, moi, je vous conseillerais plutôt que leur taper dessus de manière générale en leur disant, parlez-leur à chacun en particulier. Si on les prend un petit peu en tête à tête ou dans l'intimité d'ailleurs de la relation quand elle se passe, voilà, c'est arrêtons de faire semblant d'eux, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment, et de se dire par contre c'est pas ce qu'on veut, c'est peut-être ce qui permet le plus sûrement d'avancer dans la relation. Mais Alizée, vous plaignez du fait que l'autre en face ne sache pas exactement ce qu'il veut, mais est-ce que vous savez ce que vous voulez? Mais oui, je sais ce que je veux. Enfin, vous voulez quoi? J'ai envie de sortir avec lui dans la rue, j'ai envie de pouvoir, si je tombe sur ma mère, de pouvoir lui dire voici mon ami, voici. Mais je ne peux pas vraiment parce que, comme vous dites, voilà, il y a une espèce de jeu qui se crée, on rentre dans un personnage un petit peu, on freine, mais c'est vraiment par pure séduction au début, puis après ça prend carrément le pas sur ce qu'on veut, voilà, comme les sentiments, quoi, comme vous dites. Où on fait semblant de pas être ensemble, on se cache un peu par pudeur, peut-être. Voilà, c'est ça. Oui, c'est drôle, mais c'est un peu une attitude de 12, 13, 14, quoi, quand on est au boom et qu'on se regarde pas trop, tout ça. Oui, mais c'est juste ce que vous dites là, parce qu'à 13, 14 ans, on est pétri de trouille. Mais je crois qu'à 20 ans, on a pas mal peur aussi. Surtout si peut-être la relation prend un tour plus intense qu'on ne pensait au départ. Et oui, bah, je crois que dans ces cas-là, il y a des moments, faut proposer des directions à prendre. Allez, est-ce que vous lui avez dit? Est-ce que vous lui avez dit, Alizée? Bien sûr, je lui ai dit milliards de fois. J'ai mis les points sur les i, mais rien à faire. Alors, Sophie. Et peut-être que vous voudriez faire l'inverse, justement, dire oui, t'as raison, ouais, on va pas dire qu'on est ensemble. Donc, t'as raison, c'est mieux pour tous les deux. Il va peut-être là un peu blêmir, là. Bon, retenez ça, Alizée, comme conseil. Je retiens. Merci. Hein, merci beaucoup, à très bientôt sur l'antenne de Point G comme Julia. Très rapidement, parce que l'émission touche à sa fin, on a Thibaut en ligne. Thibaut, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez une question particulière à nous poser. Enfin, vous avez votre truc à vous, on va dire ça comme ça, c'est les sœurs des copains, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais encore. Alors, en fait, je sais pas, je saurais pas vraiment dire si c'est une question ou plutôt une affirmation, mais je pense qu'on peut quand même se poser la question en tant qu'être humain de se demander où est-ce que se situerait la limite si on désire par exemple la sœur de d'un pote, en fait, jusqu'où est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça doit franchir? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un interdit sur la sœur d'un pote? C'est ça que vous êtes en train de nous demander. Alors Sophie, est-ce que c'est interdit, la sœur d'un pote? Je pourrais vous répondre tout à fait faire une réponse pleine de bon sens. Non, bien sûr. Sauf que dans la réalité, oui, bien sûr. c'est justement celle-là. C'est pour ça qu'elle nous intéresse tant, les sœurs des potes ou les frères des copines. C'est que justement, c'est un peu compliqué, cette histoire. Le copain va se demander si c'est lui qui vous intéresse ou sa sœur. Ah, c'est une façon de se rapprocher de lui, c'est ça? Non, c'est une espèce de concurrence à ce moment-là. Si c'est ma sœur qui t'intéresse, t'es plus mon pote. C'est plus. D'accord. Il y a le côté aussi quand même, voilà, les frères, on sait qu'ils sont toujours un peu possessifs avec leur sœur. Même si les mœurs sont très libérées, quand même, oui, tout le monde, mais pas ma sœur. C'est-à-dire, Thibaut, c'est comme si vous aviez vu un gros panneau de sens interdit et que vous vous apprêtiez à foncer dessus, quoi. C'est un peu ça ? C'est un peu ça. Ouais, voilà. C'est plus ça. Il y a une autre voix dans ma tête qui me dit on n'est plus au Moyen-Âge. Mais complètement. Voilà. Oui, oui, non, renoncez pas à la sœur de vos copains, parce que plus vous direz non, il faut pas, plus elles vous sembleront absolument craquantes et incontournables. Donc, voilà, vaut mieux essayer, s'expliquer avec le copain. Puis essayer avec la sœur et puis mais évidemment c'est parce qu'elle est un peu sulfureuse celle-là qu'elle en devient extrêmement attirante. C'est toujours plus intéressant. Merci beaucoup Thibaut. Voilà, point G comme Julia, c'est fini pour ce soir. Ça passe très très vite. On va se quitter en musique comme d'habitude, chanson choisie par vous, en l'occurrence Dorine qui nous dit: pour moi, quand on trompe quelqu'un, c'est qu'on a envie de lui dire bye bye. Alors on écoute Françoise Hardy, Comment te dire adieu. Aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Bon, et quand j'ai dit on écoute, j'ai pas dit qu'on écoutait toute la chanson. Bah non, c'est fini, point G. Merci à tous, merci à Romy, merci à Geoffrey, merci à Julie. Rendez-vous demain, sale temps pour les femmes, entre la pilule qui sent le soufre et le retour de l'accouchement avec douleur. Voilà des questions qu'on va se poser en compagnie d'Odile Buisson. Alors, toutes vos questions sur notre répondeur, le 01 56 40 14 14. Merci également à Sophie Cadalen de nous avoir accompagnés pour toute cette émission et à très bientôt, j'espère. À bientôt. Émilie. Oui, Julia. L'antenne est à vous. On a encore pris plein de choses. Mais écoutez, j'espère bien, oui. Très très bien cette nouvelle émission. Oh, mais on va devenir des fidèles. Merci beaucoup. Merci à demain, 19h30 sur le Move. Salut, au Julia. Revoir.